Et comment dit-on acheter? Comprar. Comprar. Et je l'achète? Lo compro. C'est ça. Dis-le encore une fois, en accentuant un peu plus nettement. Lo compro. Parfait. Lo compro. Hein? Je l'achète. Comment direz-vous « je ne l'achète pas » No lo compro. D'accord. No lo compro. Je ne l'achète pas. Et pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Vous posez la question à usted. Pourquoi no lo... Vous, pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Pourquoi no lo... Compre. D'accord. Vous avez finalement bien insisté sur l'avant-dernière syllabe, comme, mais je n'ai pas bien entendu la terminaison. Or, en espagnol, la terminaison est d'autant plus importante qu'on n'utilise normalement pas de pronom sujet. En effet, comme on ne dit pas je, tu, il, c'est la terminaison qui nous renseigne sur le sujet du verbe. Donc, après la syllabe accentuée, hein, l'avant-dernière syllabe, on fait bien attention à la terminaison. Et la terminaison, même si elle n'est pas accentuée, doit être très claire. Alors, comment direz-vous pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Pourquoi no lo compra? D'accord. Maintenant, c'est clair. Très clair. Por qué no lo compra? Compra. On insiste bien sur comme, puis vient la terminaison en a, qu'on doit entendre bien clairement. Por qué no lo compra? Comment direz-vous je ne l'achète pas parce que je n'aime pas ça? No lo compra? No lo compro? D'accord. No lo compro. Je ne l'achète pas parce que... Porque... No lo compro porque... Je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas. Porque no me gusta. No me gusta, hein, tout à fait. No lo compro porque no me gusta. Alors, vendre, c'est... Vender. Vender. Pourquoi est-ce que vous ne le vendez pas? Porque no vende? Le. Le. Porque no lo vende? D'accord, hein, c'est clair. Porque no lo vende? Porque no lo vende? Je ne le vends pas parce que je ne veux pas le vendre. No lo compro. Ah, ça c'est « je ne l'achète pas ». No lo vendo. No lo vendo. Parce que je ne veux pas le vendre. Porque no quiero venderlo. Oui, hein, mais je n'ai pas entendu clairement le « je ne veux pas ». Porque no quiero. D'accord, hein, maintenant c'est bon. Porque no quiero. Le vendre. Venderlo. Oui, mais ne le prononcez pas haché. Venderlo. Vous l'avez encore prononcé haché. Ah, oui. Venderlo. D'accord. Venderlo. Venderlo. Parce que ça s'écrit en un seul mot. Hein? Venderlo. Venderlo. Venderlo, d'accord. Donc, no lo vendo porque no quiero venderlo.